Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, au lendemain de la disparition ou enlèvement de la petite Mia dans les Vosges, voici l'histoire de Léa Petitga, une disparition. En décembre 2016, cette jeune femme de 20 ans, fluette, brune, 1m47, s'évapore devant son immeuble nantais sans laisser la moindre trace. Et depuis, aucune piste. Silence. Ses proches ne sont pas les seuls en France à se perdre dans un cauchemar qui n'en finit pas et qui doivent se résoudre à reprendre le cours de leur vie. Chaque année, la gendarmerie enregistre des dizaines de milliers de disparitions. Si ces départs sont parfois volontaires, et dans ce cas, la majorité des personnes est retrouvée très rapidement, 10 000 disparitions par an restent non élucidées. En cause, pour les proches et les associations en tout cas, des enquêtes policières bâclées, un système de fichiers obsolète et des assassins qui en profiteraient pour commettre le crime parfait. Mais quelles sont les modalités pour qualifier une disparition d'inquiétante? Quels sont les recours pour les familles et comment expliquer un tel manque d'efficacité réelle ou supposée de la part des services de gendarmerie et de police? Notre invité aujourd'hui, Pascal Batadi, présidente de l'ARPD, l'association de recherche des personnes disparues. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Constance Villanova, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Jeudi 13 décembre 2007, il est environ 7h30. Léa Petitga, 20 ans, ouvre ses grands yeux verts dans son studio de la rue de la Motte-Piquet dans le quartier de Canclos, à Nantes. Déjà 3 mois qu'elle s'est installée seule dans cet appartement de 9 mètres carrés. Un évier en inox, 2 plaques électriques d'appoint, un four à micro-ondes, un frigo qui conserve de quoi faire quelques repas, un lit et une unique fenêtre donnant sur la rue. Bref, l'essentiel, peu de choses, mais l'essentiel pour mener une vie de bohème avec 2 chats en prime. Auparavant, Léa vivait à Vannes avec son ex-petite amie. Elle y travaillait dans un fast-food et une maison de retraite. La rupture entre les 2 tourtereaux à l'été 2007 entraîne son retour chez son père à Nantes, puis son installation dans ce nouveau nid. En décembre 2017, elle vient de débuter un nouveau job, un service civique dans une maison de quartier de la Halvèque. Sa mission, retracer sous forme d'illustration l'histoire de ce lieu chargé de mémoire et voué à la destruction. Car Léa dessine, beaucoup et plutôt bien. Des mangas surtout. Ses visages nippons, prunelles immenses et aux expressions exacerbées envahissent les murs de son studio, ses carnets, les lettres à ses parents et sa tablette graphique. La veille au soir, le 12 décembre, un ami est venu crayonner avec elle avant de quitter l'appartement à 23h30. Léa reste raisonnable malgré ses 20 ans. Elle veut être en forme pour sa journée de travail du lendemain. Les quelques 500 euros mensuels qu'elle gagne grâce à son service civique ne suffisent pas pour vivre. Non, il lui faut d'autres petits boulots. Ce jeudi, elle a demandé à son patron de la maison de quartier d'arriver plus tôt pour partir moins tard et pouvoir enchaîner avec un babysitting. Ce matin du 13 décembre 2007, elle enfile son jean, son écharpe grise, sa veste kaki et son bonnet blanc à pompons. C'est sa tenue d'hiver, traditionnelle. Elle veut arriver à 9h à la maison de quartier. Pour rejoindre la Halvèque, elle doit marcher 200 mètres jusqu'à l'arrêt de bus de la place Canclos, qui doit l'emmener ensuite à la station de tramway de la place du Commerce. Il est 8h30. Elle visse ses écouteurs blancs sur ses oreilles, embarque son ordi dans son sac, claque la porte de son studio et descend trottinant l'escalier de son immeuble. Et puis c'est tout. Le néant. Trou noir. Léa Petitga disparaît sur ce petit bout de trottoir. C'était la personne la plus joviale qu'on connaissait, c'était celle qui nous remontait vers le haut, qui nous remontait vers le moral. C'était celle qui nous poussait à être beaucoup plus mature, à avoir un travail ou autre. Et c'était pas du genre à pas aller au travail ou à tout claquer du jour au lendemain. Et ça nous a fortement inquiété quand on l'a vu disparaître. Il y a plusieurs personnes qui ont pensé que c'était une fugue, mais nous on leur a très clairement dit dès le début que c'était pas possible. Parce que jamais elle serait partie comme ça sans prévenir, encore moins en laissant ses animaux derrière elle et sans laisser le moindre message. Puis toutes ses affaires sont restées chez elle, donc il n'y avait aucune raison pour qu'elle parte du jour au lendemain. Léa ne se présente pas à la maison de quartier de la Halvèque. Son employeuse ne s'inquiète pas, vous savez. Les jeunes, les horaires, c'est pas leur truc. La veille, le 12 décembre, Comme chaque semaine, elle a eu son père au téléphone, Christian, petit gars, séparé de sa mère. Des éclats de voix se sont répondus d'un portable à l'autre. Oh, rien de bien méchant. Une petite dispute père-fille, un problème de loyer impayé depuis 2 mois. Il faut dire que les démarches administratives et Léa, ça fait 2. Alors, après ce coup de fil sous tension, le père ne s'affole pas quand il n'a pas de nouvelles de sa fille. Les jours qui suivent sa disparition, il se dit, bon, elle est vexée, un petit peu en colère. Le dimanche 17 décembre, tout de même, à force de ne pas voir Léa connectée sur les messageries instantanées depuis 3 jours, sa cousine s'inquiète. Elle sait que la jeune femme est accro aux réseaux sociaux, comme elle d'ailleurs. Elle décide donc de se rendre rue de la Motte-Piquet. Elle frappe doucement d'abord, puis, sans réponse, se met à marteler la porte grenat de l'appartement. Et encore là, silence. Enfin, pas vraiment. Les chats de Léa miaulent sans discontinuer. Or, on sait que leur maîtresse n'est pas du genre à laisser ses animaux de compagnie crever de faim. La cousine prévient alors la police. Son père se souvient de ce premier échange avec les forces de l'ordre. À mon travail, un policier a appelé pour me prévenir que ma fille a disparu. Sur le moment, je n'y ai pas cru. Ce policier m'a dit que c'était sérieux, que si je pouvais partir tout de suite pour les rejoindre, ça serait bien. Donc j'ai quitté mon travail et j'ai été à l'appartement de Léa. Dans son appartement, 2 policiers étaient là. Plusieurs de ses amis étaient en dehors de l'appartement. Et donc là, ils m'ont dit que pour eux, c'était une disparition inquiétante. Le 20 décembre, une semaine après la disparition, un premier appel à témoins est lancé, accompagné d'un numéro de téléphone. La photo qui illustre le message montre Léa dans sa tenue d'hiver, son écharpe grise et son manteau kaki, qu'elle portait le 12 décembre quand son téléphone a borné pour la dernière fois. Léa a la peau et les yeux clairs, une cicatrice à l'avant-bras. Elle mesure 1m47. Les enquêteurs passent son studio Boustard, un produit qui permet de déceler les traces de sang éventuelles. Or, il n'y en a pas. Pas de traces de lutte non plus. Pas de texte, pas de preuve que Léa voulait en finir, qu'elle déprimait ou qu'elle voulait tout plaquer. Pour les proches, la fugue est donc hors de propos. La preuve, Léa a quitté l'appartement sans sa tablette graphique qu'elle ne laisserait derrière elle pour rien au monde. Elle n'a pas emporté de vêtements, sa brosse à dents est restée sur l'unique évier qui lui sert aussi à faire la vaisselle. Elle n'avait que très peu d'argent sur elle et n'aura jamais abandonné ses 2 chats affamés. Ses amis et son père décrivent une jeune femme bien dans ses baskets. La piste du suicide, elle aussi, est donc écartée. Ses copains et copines, ses parents, impriment la photo de son visage souriant en milliers d'exemplaires. L'appel à témoins, rouge et blanc, s'affiche partout à Nantes, dans tous les quartiers, les arrêts de bus, les poteaux. Sur Facebook, il est partagé des 10 000 000 de fois. Le nom de la jeune fille est sur toutes les lèvres. Mais plus les jours passent, plus les pires scénarios s'immiscent dans les discussions nantaises, comme le raconte son père, Christophe Petitgat. Au premier abord, quand on la croise, qu'on commence à discuter avec elle, comme elle est très rêveuse, on dirait une adolescente. Ce qui me fait peur, c'est tous les détraqués, les pédophiles, tous les gens qui sont attirés justement par par les jeunes filles. Le 22 décembre, la sûreté départementale est saisie. Une information pour enlèvement et séquestration est ouverte. 5 jours plus tard, c'est au tour de l'antenne de la police judiciaire de Nantes de se charger du dossier Petitgat. 2 groupes de cette PJ, aidés par l'Office central pour la répression des violences aux personnes, mènent 50 d'auditions. Mais en ce jeudi 13 décembre, Léa Petitgat a-t-elle seulement pris le bus ou le tramway? Impossible de le savoir. La durée de vie des vidéos de caméras de surveillance dans les transports ne dépasse pas 3 jours. L'ami qui a vu Léa la veille, lui, est rapidement mis hors de cause. Côté téléphone portable, le mobile de Léa s'est connecté à la box internet de son immeuble à 8h15 et a borné à 9h10, puis jusqu'à 10h30 environ, dans un quartier éloigné de son trajet pour aller au travail. Impossible de savoir où précisément, et si c'était elle qui avait le téléphone entre les mains. Depuis, l'appareil est intraçable, et personne n'a essayé d'y mettre une nouvelle puce. Aucun mouvement n'a été relevé sur son compte bancaire. Malgré le porte-à-porte effectué sans relâche par la famille, personne n'a aperçu la jeune fille, au bonnet blanc en dehors des photos qui inondent la ville et la rendent familière à tous les Nantais désormais. Le 4 janvier, la rue de la Motte-Piquet est barrée. Une tente blanche est dressée devant l'immeuble. Les enquêteurs passent le petit studio sous scellé au peigne fin. et de nouveaux prélèvements sont effectués. Mais toujours rien. Dans le journal Le Parisien, 5 mois après les faits, le commissaire Guichard, patron de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, confie ses doutes. C'est une affaire très inquiétante car Léa disparaît du jour au lendemain sans donner de nouvelles. Il y a une brusque coupure qui ne s'explique pas. Plus d'activité téléphonique, plus de connexion sur les réseaux sociaux. Et il n'y a aucun témoin. Les investigations menées dans son environnement n'ont pas permis d'avancer sur une piste plutôt qu'une autre, la disparition volontaire ou la mauvaise rencontre, voire l'une suivie de l'autre. L'attente se fait étouffante. Elle aspire le quotidien des parents et des amis de Léa. Anéanti, Christophe Petitgas, son père, écume les plateaux de télé, accepte les interviews dans la presse et lance des appels déchirants pour retrouver sa fille. Les enquêteurs lancent des alertes ailleurs, en Europe. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où se sont installés des anti-aéroports rejoints par quelques marginaux, est fouillée. Mais les amis et la famille de la disparue n'y croient pas. Parce que, à part un kéfier gris autour du cou, cette écharpe devenue symbole des Palestiniens pour certains, accessoire de mode pour d'autres, Léa ne flirtait pas avec les milieux militants. Il n'y a aucune explication rationnelle à sa disparition, lance le procureur de Nantes, Pierre Sénès. Eh oui, et c'est bien le problème. Alors, les jours passent, encore, et il ne se passe toujours rien. Le cauchemar n'en finit pas. En janvier 2018, des témoins pensent reconnaître Léa en croisant une jeune femme qui fait la manche dans les rues d'Angers. Plus tard, c'est un chauffeur routier qui croit la voir, autostoppeuse, en Seine-Saint-Denis. Et puis à Montpellier, un homme affirme qu'il l'a vue, elle aurait frappé à sa porte. On appelle ça une enquête au point mort. Alors, le 27 février 2018, la police diffuse un deuxième appel à témoins. Léa volatilisée, les experts qualifient le fait de disparition sèche, comme un insipide de polar qui s'arrêterait net dès la première page. Alors on fouille les endroits naturels en espérant évacuer le scénario dramatique, trouver le corps de Léa. T'es allé où? Sur quoi? En juin 2018, des fouilles fluviales débutent dans l'Erdre, un affluent de la Loire, avec un sonar appartenant à la brigade fluviale de la préfecture de Nantes. Dans l'eau vaseuse et opaque, l'absence de Léa est un soulagement. Depuis cette mi-décembre 2017, c'est une insoutenable incertitude qui ronge ses proches, qui malgré tout, espère qu'elle est vivante ou croit à la mauvaise rencontre. Dès qu'une affaire criminelle fait la une dans la région, la piste est étudiée par les enquêteurs, les journalistes et éventuellement la population, mais toujours pas de fil à tirer, de criminel à traquer. Si la mère de Léa est inconsolable et préfère rester loin de l'emballement médiatique, le père, lui, est omniprésent sur les réseaux sociaux et il alimente les comptes qu'il a créés spécialement pour faire connaître l'histoire de sa fille, diffuse l'appel à témoins comme on jette des bouteilles à la mer. Il lit tous les commentaires sur les forums, mais l'énigme n'a pas de solution. Dans ses pensées, en boucle, toujours cette dernière conversation avec Léa, la dispute dont la futilité lui laisse un goût amer qui ne le quitte plus. Un an après, son père et la belle-mère de Léa essayent de mettre des mots sur l'indicible. J'espère que ma fille est toujours en vie, hein. C'est toujours l'espoir que j'ai. Mais c'est vrai que bon, on a des doutes quand même, quoi. Mais il faut garder espoir, de toute façon. On est tiraillé entre... elle est quelque part. On ne sait pas pourquoi elle n'est pas avec nous, mais elle est quelque part, ou alors elle n'est plus là. Et elle ne sera jamais plus là. On est tiraillé entre les deux. Et là, je vous dis, la frontière, elle est mince. Vraiment. Vraiment. La suite de l'histoire, il n'y en a pas. Et l'histoire de Léa Petitgas, c'est celle de 10 000 familles chaque année en France. Une disparition et on ne trouve pas. D'après le ministère de l'Intérieur, plus de 40 000 personnes par an disparaissent. 30 000 sont retrouvées, heureusement. Reste quand même 10 000 disparitions non élucidées. Avec ses frères, ses fils ou filles volatilisés, c'est l'histoire de familles qui volent en éclats, de proches qui affrontent un deuil qui peut durer toute une vie. C'est le récit d'une douleur invisible, celle d'avoir perdu quelqu'un sans pouvoir lui dire au revoir. C'est la peur insidieuse que la personne disparue tombe dans l'oubli, que la presse n'en parle plus. La disparition depuis un mois et demi d'une jeune femme originaire de Cagnes-sur-Mer, âgée de 22 ans, Marie-Hélène Audoy, a été vue pour la dernière fois dans la région de Gap. Depuis le 21 mai, les recherches de la gendarmerie n'ont donné aucun résultat. Aujourd'hui et demain, les parents de la jeune femme organisent avec des montagnards une battue dans les Hautes-Alpes. En France, près d'Agen, toujours aucune nouvelle de la petite Marion, disparue depuis maintenant 5 jours. La police n'a pas cessé ses recherches, notamment autour de la Garonne. Toujours pas de nouvelles de Sophie Arnoux, disparue mercredi soir à Capo di Feno. Les recherches se poursuivent sur place où une vingtaine de gendarmes fouillent actuellement le maquis. Il y a les disparitions qui marquent l'Hexagone, dont les prénoms résonnent encore, ou celles qui font trembler une ville ou une région. Mais il y a aussi ces affaires qui font moins de bruit, ces annonces calfeutrées. Il y a par exemple le cas d'Alice Buzelin, qui n'a pas donné de signe de vie depuis le 21 janvier 2012, à la sortie d'un IUT au Havre. Il y a Hugo Raffi, 18 ans, disparu le 15 juin 2012, après avoir quitté le domicile familial à Albertville, sans portable, sans papier et en tongs. Ces disparus, ce sont quelques lignes dans la presse locale qui n'interpellent pas. Des avis de recherche froissés, dont les couleurs s'estompent à la lumière du soleil et sous les gouttes de pluie. Disappear. Will this work? Affaire sensible, Fabrice Drouel. L'histoire de Léa Petitgas, c'est une histoire qu'ont vécu beaucoup de Français chaque année et que vivent encore chaque Français, chaque année, beaucoup de Français en tout cas. Comment savoir si ces disparitions sont volontaires? Après tout, ces individus n'ont-ils pas eu envie de changer de vie, de partir sans laisser de traces? En France, quand il s'agit d'un mineur, une disparition est automatiquement considérée comme inquiétante, les mineurs étant des personnes vulnérables. Pour les adultes, ça se complique, et c'est en cas par cas. D'ailleurs, les critères n'en sont pas fixes. Une personne majeure a le droit d'aller et venir comme elle le veut sans en informer ses proches. Disparaître n'est pas une infraction pénale. Une disparition est qualifiée d'inquiétante quand aucun élément ne laisse penser à une fugue et qu'il n'y a pas de preuve d'enlèvement ou de mort. Toute personne disparue est alors inscrite au fichier des personnes recherchées étendu à tout l'espace Schengen. Dans ce fichier informatique placé sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur, les noms des disparus se mêlent avec ceux des individus recherchés pour des infractions ou des crimes. En 2019, le FPR comptait 580 000 profils. Ceux entrés sous le code PJ22 sont susceptibles d'avoir été victimes d'un crime ou d'un délit. Certaines enquêtes sont confiées à l'OCRVP, comme celle qui concerne Léa Petitgas. Créée en 2013, cette unité lutte contre les enlèvements et les séquestrations. Les policiers et gendarmes qui y travaillent, en charge d'une quinzaine de dossiers, ne se substituent pas aux enquêteurs locaux, mais peuvent mobiliser beaucoup de moyens techniques. Dans les locaux sombres et pas très avenants de cette unité à Nanterre, Frédéric Malon, alors à sa tête, raconte comment cette unité juge ou non la disparition inquiétante. Une personne majeure, en France en tout cas, est libre de claquer la porte à un moment donné de son domicile, de partir sans laisser d'adresse et d'aller refaire sa vie où elle le souhaite. Alors, évidemment, dans ces personnes majeures qui disparaissent, la difficulté pour le policier ou le gendarme, c'est de déterminer en fonction des circonstances de fait s'il y a des éléments d'inquiétude ou pas. Autre difficulté pour retrouver un proche disparu, en France, entre 50 et 100 cadavres par an sont enterrés sous X. Et si parmi ces défunts anonymes se cachait le proche tant recherché? L'association de recherche des personnes disparues, ou ARPD, fondée en 2003, milite pour que les empreintes ADN des personnes disparues depuis plus d'un mois, et celles de leurs proches, avec leur accord, soient regroupées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. L'organisation souhaite que les empreintes digitales, génétiques, ondo-talgiques soient relevées systématiquement sur les corps retrouvés non identifiés. La police pourra ainsi faire le lien entre ces enterrés sous X et des disparitions signalées. Depuis 2013, l'ARPD dénonce également la suppression d'une procédure administrative appelée recherche dans l'intérêt des familles. Elle permettrait à ces familles de disparus de signaler une disparition jugée non inquiétante par la police pour la faire tout de même inscrire au fichier des personnes recherchées. Problème tout de même avec cette suppression, toutes les disparitions non jugées inquiétantes au début de l'enquête tombent dans l'oubli. Les services de police et de gendarmerie proposent alors aux familles de déposer nos mains courantes, ce qui ne donne lieu à aucune investigation et poursuite. Pas de doute, pour toutes ces associations, il y a des lacunes au point que certaines d'entre elles doivent endosser eux-mêmes le costume des enquêteurs. À l'image de Ghislaine en Dordogne, qui enquête bénévolement depuis des années pour l'association. En 2007, France 3 Aquitaine a rencontré cette retraitée détonnante aux cheveux rouges coupés courts. Bon, alors est-ce qu'il y a du nouveau là ce matin? Vous avez eu la gendarmerie et les pharmacies, toujours rien. Et elle sur son portable, le compte Amélie n'a pas bougé. Revérifier encore et encore les éléments de l'enquête. Depuis plusieurs semaines, Ghislaine travaille sur la disparition d'une sexagénaire. Bénévole de l'association Assistance et Recherche des Personnes Disparues, c'est auprès des familles que commence son travail de fourmi. J'appelle les personnes et je reprends point par point tout. Et je liste des questions quoi, à leur demander, parce qu'il y a des choses qu'on ne pense pas, il faut les demander. La gendarmerie, je lui dis, bon, est-ce que je peux chercher, moi, au niveau des foyers d'hébergement, des centres sociaux, des restos du cœur, enfin tout ce qui peut exister dans les départements limitrophes? Fin 2017, un fait divers glaçant tient en haleine tout le pays. C'est la disparition de la petite Maïlys, qui met en lumière ses manquements des services de police et de gendarmerie dans la recherche de personnes disparues. En août 2017, cette petite fille de 8 ans disparaît lors d'un mariage dans la salle des fêtes de Pont de Beauvoisin, dans l'Isère. Il est 3 heures du matin, la gamine reste introuvable. C'est le début de l'affaire Maïs. Un mois plus tard, un maître chien de 35 ans, Nordal-Lelandais, est écroué. Fin 2017, l'onde de choc Lelandais se propage. L'ancien militaire savoyard est mis en examen pour assassinat dans le dossier du caporal Arthur Noyer. Le jeune homme de 24 ans avait disparu en avril 2017 à la sortie de la boîte de nuit de Chambéry après avoir fait du stop. L'ombre de Lelandais plane, menaçante sur toute cette région montagneuse. En septembre 2011, Jean-Christophe Morin s'évapore, lui, près de l'ancien fort militaire savoyard de Tamier, alors qu'il sortait d'un festival de musique électronique. Le dernier témoin l'ayant aperçu affirme que le jeune homme avait l'air en fuite et paniqué. Les gendarmes concluent un accident. Fin d'enquête, pas de corps. Jean-Christophe Morin s'est volatilisé. Un an plus tard, Ahmed Amadou, 45 ans, disparaît du même festival, au même endroit, dans les mêmes circonstances. Les similitudes entre les deux dossiers n'interpellent pas les forces de l'ordre. Autre ressemblance, là aussi, les recherches de la gendarmerie sont bâclées malgré l'inquiétude des proches. En mars 2018 enfin, 7 et 6 ans après les faits, les familles Morin et Amadou déposent plainte pour enlèvement et séquestration devant le tribunal d'Albertville et se constituent partie civile. Envoyé spécial sur France 2 avait enquêté. Nordal-Lelandais aurait-il croisé la route de Jean-Christophe Morin, d'Ahmed Amadou ou de Malik Boudvila? Des jeunes hommes disparus dans un rayon de 50 km autour de Chambéry, la ville où vivait Nordal-Lelandais. 11 familles qui sont sans nouvelles d'un proche depuis plusieurs années et qui se demandent aujourd'hui si Nordal-Lelandais n'est pas là encore responsable. Finalement, 11 familles de disparus dans la région se réunissent à Lyon à l'abri des caméras et des objectifs des journalistes pour réclamer une nouvelle enquête. Car d'autres disparitions survenues dans un rayon d'une dizaine de kilomètres s'accumulent. Toutes racontent des enquêtes expéditives, des dossiers vides malgré la concomitance de lieux et des profils semblables, souvent des jeunes hommes d'ailleurs. Des juridictions administratives départementales qui ne communiquent pas, pas de porte-à-porte auprès des voisins, des investigations lancées trop tard, alors que les relevés de vidéos sont effacés au bout de 48 heures. Le choc Lelandais met en lumière les travers des enquêtes policières sur les disparitions. L'avocate et criminologue Corinne Herman, spécialiste des crimes non résolus, qui était notre invitée hier, milite pour la création d'un fichier spécifique des enfants ou des personnes disparues. En 2017, elle témoignait pour l'émission C'est dans l'air sur France 5, dans son bureau où s'entassent les dossiers. Il y a beaucoup de disparitions oubliées. Il y a beaucoup de disparitions qui ne sont pas déclarées, simplement parce que les personnes sont isolées, parce que la famille renonce. Et forcément, dans ces disparitions, il y a des crimes. Et moi, je parle toujours de ce chiffre noir des crimes inconnus, parce que simplement, on n'a pas travaillé sur ces disparitions, on n'a pas travaillé sur les corps découverts, parce que normalement, on devrait aussi y retrouver les corps. Et oui, il y a des crimes presque parfaits grâce à ça. Selon cette ténor du barreau, ce manque de considération de la part des enquêteurs ne fait qu'amplifier la douleur des proches de disparus qui affrontent, rappelons-le, un deuil impossible, que certains appellent le deuil blanc. Pour retrouver ce conjoint, cet enfant, cette mère qui s'est évaporée, des familles appellent des détectives privés qui effectuent leurs recherches en parallèle des investigations officielles. Christophe Petitgat, par exemple, le père de Léa, la jeune disparue de Nantes, n'a pas hésité une seconde. D'autres font appel à des professions plus occultes, comme des voyants ou des médiums. Désespérés, ces proches de disparus sont la cible de courriers anonymes ou d'escrocs cachés sous un costume de détective qui exploitent la vulnérabilité d'individus désemparés. Comme monsieur Philippe Bastia, qui proposait ses services et sa compassion de pacotille par le biais d'une association fictive SOS Personnes Disparues. En 2010, selon le JDD, journal du dimanche, au Mans et à Paris, deux plaintes pour escroquerie ont été déposées contre lui par des familles l'accusant de leur avoir extorqué de l'argent, profitant de leur détresse. Des sommes allant jusqu'à 16 000 euros. Dans les colonnes du JDD, le journaliste Mathieu Deland raconte. Prétextant des informations à vérifier, il a ainsi voyagé pendant des mois aux frais des familles. Sa technique consiste à entretenir l'espoir à coups de nouveaux indices, tout en attisant la terreur avec des mots qui font frémir. Selon mes informations, votre fille voyage fréquemment entre le Portugal et l'Angleterre. Elle doit faire la mule pour des trafiquants de drogue. Une autre fois. Il semble qu'on ait affaire à de la prostitution internationale. Avant de découvrir... un risque d'embrigadement dans un mouvement sectaire. Les proches de disparus ne peuvent se permettre de négliger la moindre piste. Ils s'empressent de souscrire un nouveau prêt bancaire, puis remplissent un formulaire de... mandat cash urgent. À mon nom, hein. C'est bien plus simple que de passer par l'association. Leur précise Bastien. Pour envoyer une rallonge à leur sauveur potentiel. En janvier 2021, à Nantes, la police a recommencé à faire du porte-à-porte pour retrouver Léa Petit-Gat. Une nouvelle piste, le violeur présumé de la jeune Céleste, 15 ans, assassiné dans les quartiers de Talensac à Nantes en août dernier. Mais depuis, plus rien. Ce déchirement irréparable. C'est celui de milliers d'autres parents, hantés par une date, celle de la disparition de leurs proches. Les derniers mots échangés avec la disparue sont ressassés depuis des années. Savoir son proche mort ou ne rien savoir du tout. Éric, 51 ans, Fabienne, 60 ans, Christian, 65 ans. Avec les réseaux sociaux, les noms de ces introuvables tombent moins vite dans l'oubli, même s'ils finissent par rejoindre les limbes d'Internet. Leur avenir est entre les mains des enquêteurs. Oui. À eux d'exhumer les dossiers, de faire le lien pour briser cette incertitude tenace et traumatisante qui ronge les familles disparues. Said I had to see you, but I don't and I won't and I won't. To think I was just like you. Stayed in the same dark place that I adored. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la disparition de Léa Petitga, dont nous allons parler avec notre invité Pascal Battani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente nationale de la RPD, Association de Recherche des Personnes Disparues, dont on a parlé durant le récit, et qui intervient auprès des familles touchées par la disparition d'un proche, qu'il soit majeur ou mineur. Pouvez-vous nous en dire plus déjà sur l'origine de votre association et son fonctionnement ? Oui, alors l'origine de l'association date de 2013, et depuis, nous ne cessons d'essayer d'améliorer les conditions des familles, en fait. Notre but, c'est d'aider les familles, que ce soit l'écoute, l'administratif aussi qui est important, et autrement, bien sûr, le terrain. Donc, c'est trois choses importantes pour nous. Est-ce que vous avez l'impression parfois de faire le travail de la police ou de la gendarmerie ou un morceau de travail ou un fragment ? Oui, non, on va dire non. On fait absolument pas leur travail. On n'est pas là non plus pour enquêter, pour reprendre, pour repasser après, voir ce qui est bien fait, pas bien fait. Non, oui, des fois, mais c'est dans le sens où c'est surtout quand les disparitions ne sont pas prises tout de suite en considération. Voilà. C'est là qu'on essaie d'intervenir, d'aider les familles à les faire accepter en déclaration de disparition inquiétante pour les disparitions inquiétantes. Pourquoi vous êtes-vous engagé personnellement et à ce point dans cette association ? Ce point, parce que il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des événements personnels dans ma vie puisque j'avais du temps. J'avais du temps parce que j'ai eu un problème de santé. Et après, j'ai également eu des personnes de ma famille qui ont disparu. Voilà, et les enquêtes avaient été tellement mal faites ou pas faites du tout, à vrai dire, que la fin tragique, les fins tragiques, puisque là c'était juste tragique chez nous, c'est notre famille qui avait retrouvé les deux personnes. Donc voilà. Parce que justement, à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il devait quand même y avoir des problèmes lors de la prise en charge de déclaration de disparition inquiétante. Oui, simplement. Quand vous dites quand même, au bout du compte, que les enquêtes, la prise en compte de la disparition inquiétante n'ont pas été prises en main ni par la gendarmerie ni par la police. Alors, je dis pas que vous faites leur travail à leur place et vous m'avez dit non, mais c'est quand même un phénomène compensatoire. Vous dites quand même, vous avez commencé votre phrase par ça. Oui, alors je m'explique, parce que c'est pas toujours le cas, et heureusement, heureusement. Mais malheureusement, on déplore l'intérêt de certaines personnes, quand les familles viennent en disant les majeurs, ils font ce qu'ils veulent. Non, parce que faut déjà bien regarder ce qu'il y a derrière avant de dire les majeurs, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Ils ne sont pas, évidemment, tous les gens ne sont pas comme ça, mais vous connaissez un métier, vous, où tout est parfait, où tous les gens travaillent très bien, où tout va bien. Mais non, bien sûr. Enfin, certaines personnes, il s'agit quand même de la police et de la gendarmerie. Bien sûr, c'est une institution. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on n'est pas là pour faire le travail pour eux. Nous, on est là pour les aider, pour les épauler et pour justement être là pour répondre aux attentes des familles, aux questions des familles. Parce que c'est pas marrant non plus, je ne dis pas le contraire. Être dans la journée, d'être interrogé 3, 4, 5 fois par des membres de la famille différents qui ne sait plus pourquoi. C'est pas non plus leur fait. Parfois, ça peut être parce qu'ils ont bien d'autres choses à faire. Mais je pense que le problème est aussi vient aussi des, ce sont des problèmes de fond, si vous voulez. Voilà, qui pourrait être arrangé, il pourrait y avoir des choses de fait, comme des formations un peu plus pointues sur des disparitions, des choses comme ça. Les familles, qu'est-ce qu'elles demandent ? Elles demandent du soutien, évidemment, mais d'un point de vue... Je vais finir ma question d'un point de vue moral. J'ai pas fini ma question. Allez-y. Parce que dans une disparition, il y a une double douleur. Je veux dire, il y a la disparition, on ne sait plus où est le proche, il nous manque et on s'inquiète. Et puis dans un coin de la tête, il doit y avoir quand même cette pensée affreuse. Et si ce proche était mort ? et avec le l'espoir fou qu'on retrouve la personne et surtout qu'on sache qu'elle est pas morte. Oui. C'est un ensemble de sentiments qui, mais évidemment, doit être très très très difficile à vivre. Est-ce que c'est sur ce point-là, sur ce terrain-là psychologique, que vous pouvez intervenir pour aider? Oui, bien sûr, c'est ça. Mais c'est tout à fait ça. C'est que dans une disparition, il y a plusieurs phases psychologiques, et puis toutes ces phases psychologiques, il faut les franchir avec eux. Ouais. Parce que c'est pas du tout facile. Au départ, c'est le choc, hein, parce que vous y attendez pas. Ça, voilà, pourquoi ça nous arrive? Ça n'arrive qu'aux autres, mais non, ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Hein. Et après, il faut franchir toutes ces étapes, et on les aide à les franchir. Ça veut dire que les gens qui disparaissent volontairement, cette fois c'est autre chose, hein, mais on a le droit de disparaître volontairement, devraient penser quand même à la douleur que ça peut provoquer. Bien sûr. Oui. Dites-moi, les chiffres sur les disparitions diffèrent. Hein. Quels sont les vôtres en France? Comment sont-ils calculés? Qu'est-ce que vous avez comme données? Alors les chiffres malheureusement au niveau, au niveau national gouvernemental, bon les chiffres, bon ministériel, les chiffres ne voilà, les chiffres ne sont pas du tout représentatifs, voilà, parce qu'ils n'ont pas évolué, ça fait des années. Il y a un problème au niveau des chiffres, il y a un vrai problème au niveau des chiffres. Donc les chiffres, bon, on les situe entre 50 000 pour les fugueurs. Après, c'est allez 13 000 pour les adultes. Oui, êtes-vous encore là, madame? Voilà. Allez-y. On vous a perdu une seconde, mais on vous retrouve. Continuez, je vous en prie. Oui, alors c'est en fait les chiffres ne sont pas vraiment représentatifs, puisque ça fait des années que les chiffres avant étaient faits par l'OCRVP et plus maintenant. Et là, ça fait quand même au moins 8 ans que voilà. Une dernière question, je vous promets que c'est la dernière question sur ce terrain-là. Après, j'y reviens plus, mais je l'avais oublié celle-là. Je l'avais oublié. Comment sont accueillis les proches des disparus dans les commissariats ou à la gendarmerie? Ça dépend. C'est là le problème. Le problème est là, c'est que parfois ils peuvent être très très bien reçus et voilà, et avec une personne qui a beaucoup d'empathie, qui va écouter, qui va juger, qui va voir si vraiment il y a un danger quelconque parfois pas du tout, ça va être bon. Alors, quelque part. Pouvez-vous, s'il vous plaît, pardon de vous demander ça, répéter votre dernière phrase? On a eu une interférence technique, on vous a pas bien comprise. Alors, je disais que quand vous frappez à la porte, au commissariat ou au commissariat, aux gendarmeries, aux brigades, ça dépend qui est-ce que vous trouvez aussi derrière la porte. Si vous avez quelqu'un qui a énormément d'empathie et qui vous écoute, qui prend le temps de vous écouter, qui juge assez vite pour voir si vraiment c'est problématique. Évidemment, si vous venez au bout d'une heure, c'est pas, on va vous dire, oui, le majeur, il fait ce qu'il veut, ça c'est sûr. Mais si c'est quelques heures après, il devait rentrer à 17h, qu'arrive à 20h, il n'est pas rentré, des rentrées et qu'il ne le fait jamais. Bon, c'est sûr que là, on peut après, mais surtout ne pas écouter, revenez dans 48 heures, ça n'existe pas, dans 24 heures non plus, ça n'existe pas en France. Donc voilà, il n'y a aucune loi qui le stipule et au contraire, plus on ira vite et plus il y aura de chances de retrouver la personne. Pascal Batagny, on va se retrouver dans 2 minutes après avoir écouté une chanson de LCD Sound System qui s'appelle, cette circonstance, Call the Police. Pascal Battani, vous m'entendez bien ? Oui, oui. Très bien. Vous avez écouté, bien sûr, le récit. Vous connaissez l'histoire de Léa Petitga, j'imagine. Oui. Vous connaissez son père, Christophe ? Il me semble que j'ai dû l'avoir une fois. D'accord. Bah, écoutez, on va l'écouter maintenant. Je rappelle que la disparition de sa fille remonte à 2017. Ça fait 4 ans. Et Constance Villanova, qui a travaillé sur cette émission, qui a enquêté également pour cette émission, l'a interviewée. Elle lui pose la première question évidente, incontournable, et la réponse est terrible. Où en est l'enquête actuellement ? Est-ce que vous avez des retours ? Je n'ai plus aucun retour. Ça va faire presque un an là où je n'ai plus rien. Et les seuls retours que j'ai, c'est par des journalistes quoi, qui me tiennent au courant au fur et à mesure de ce qu'ils savent eux de leur côté. Je n'ai rien contre les services de police, bien au contraire. J'ai été surtout dans les débuts de l'enquête souvent invité au palais de justice de Nantes. Et j'ai vu les dossiers sur lesquels ils travaillaient. Et sur une petite table, il y avait au moins 3 piles de dossiers sur 30 cm de haut. Et ils m'ont dit, tout ça, c'est le travail qu'on a fait sur la recherche de Léa. Donc je sais qu'ils travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que dès qu'il y a ce qu'ils appellent un loup dans la commune ou dans le département, directement, ils se renseignent sur la personne. Ce qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps, justement, ils se sont renseignés sur une personne en montrant des photos dans le quartier où habitait Léa. Donc je sais qu'ils travaillent toujours dessus, quoi. Et vous, en tant que papa, comment on s'accroche là, quand on n'a plus de réponse de la part des enquêteurs, quand il y a un silence à propos de l'enquête ? Ce qui me fait tenir, c'est que je suis partagé entre l'envie de savoir ce qui s'est passé et la peur de savoir, justement. Et oui, c'est compliqué, quoi. C'est quand j'ai appris justement que les policiers étaient retournés dans le quartier de Léa en montrant des photos d'un homme qui avait tué une jeune fille. J'ai été prévenu par les journalistes, avant que ça paraisse dans la presse, pour me demander si moi, de mon côté, j'étais au courant. Donc je ne l'étais pas, j'étais au travail. À ce moment-là, j'étais obligé de quitter mon travail parce que je me sentais pas bien, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un livre ouvert dans votre tête, vous essayez de fermer. Et puis dès qu'il y a quelque chose qui déclenche, ça devient compliqué, quoi. Surtout que honnêtement, je mets pas des œillères. Après 3 ans, c'est ma fille. Enfin, c'est pas quelqu'un que je vois partir comme ça pendant plus de 3 ans pour échapper à tous les services de police ou je l'imagine pas, quoi. Donc je me dis comme ça que la fin risque de ne pas être heureuse, quoi. Pascal Battani, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qui vient d'être dit, qui est au cœur de l'activité qui est la vôtre ? Ça m'inspire ce que j'entends régulièrement, en fait, que les familles, bon, une fois que la déclaration de disparition a été faite, que alors les enquêtes ont été faites, malheureusement, on ne continue pas à les informer. Et là, le souci, et justement, c'est pour ça que l'on a nous des retours des personnes qui viennent vers nous en nous demandant, mais je sais plus rien, je sais pas, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai rien, on ne me dit rien, on ne me dit plus rien. Et cela encore dans des disparitions bien plus anciennes qui datent depuis plusieurs années. Ouais, l'attente comme un supplice. Il y a aussi la question des personnes enterrées sous X. Est-ce que votre association a des demandes à ce sujet ? Parce qu'on l'a dit dans le récit, sous les enterrements sous X cachent peut-être une personne que l'on recherche. Oui, tout à fait. De toute façon, nous on travaille là-dessus. On a une commission dans l'association qui travaille là-dessus. Alors nous aussi, on demande au niveau de nos trois propositions que l'on a fait au gouvernement. On demande aussi des tests ADN sur les corps. Normalement, bon, ça devrait être fait, mais c'est pas toujours le cas. Donc, les corps retrouvés dans la rue, justement, sans papier, sans rien. Et autrement, sur les familles aussi. Bon, on demande pas à ce que ce soit fait le lendemain. On demande à ce que ce soit fait, 1 mois, 2 mois après, 3 mois après, mais pas 8 ans comme certaines personnes. Moi, j'ai des familles qui ont attendu 8 ans et ça a matché au bout de 8 ans. Et on sait que le temps est supplice, quoi. C'est ça le problème. Bien sûr, le temps est un supplice. Ce qui choque aussi dans l'affaire Léa Petitga, et peut-être pour d'autres affaires, c'est le fait qu'il s'agisse de ce qu'on appelle une disparition sèche, comme le dit la police. Donc, personne se volatilise comme ça. Oui, c'est récurrent, ça. Vous avez souvent ce genre de cas, enfin souvent. Parmi les cas. Récurrent. Je vous dirais non. Mmh. Non, parce que bien heureusement, c'est pas toujours le cas, parce que là, ce serait vraiment. Mais oui, bon, bah, c'est vrai qu'il y a, une disparition. Bah, une disparition, c'est aussi ça, hein. Malheureusement. Et pourquoi a-t-on créé une notion de disparition inquiétante ? C'est quoi le critère de ce qui vous revient, vous ? Bah, la disparition inquiétante, c'est quand il y a, c'est quand c'est une personne vulnérable, en fait. Et bon, dans la personne vulnérable, bon, vous avez plusieurs, vous avez bon la vulnérabilité au niveau de la santé, ça peut être la vulnérabilité avec des personnes qui sont bon sous tutelle, curatelle, autrement, bon, ou alors ben des personnes qui ont rencontré les personnes et la famille sait qu'elle est en lien ou en contact avec des gens qui sont pas forcément très intéressants dans toutes sortes de domaines, hein, parce que là c'est large aussi, hein. Parmi les cas qui vous ont été apportés, sur lesquels vous avez agi, réfléchi, ouais. J'imagine et j'espère qu'il y a eu des bonnes nouvelles au bout du compte. Heureusement, c'est une proportion, c'est la majorité ou pas ? Je suis dans l'association depuis 15 ans, mais vous savez, heureusement. Il arrive que des gens disparaissent comme ça pendant plusieurs semaines et qu'on les retrouve, j'imagine. Oui. Et pourquoi ces gens disparaissent comme ça ? Parfois c'est volontaire. Il y a le burn-out, ça peut être des problèmes de travail, ça peut être des gens n'assument pas, il y a une certaine fierté chez certaines personnes et voilà, et bon bah elles s'en vont parce que rien ne va plus et puis au lieu de dire bon ça va pas, on arrête tout si c'est un couple ou de dire le boulot ça va plus et de toute façon et ben il part. Parce que c'est très dur aussi de s'exprimer sur quand ça va pas, il y a des gens qui ne s'expliquent pas, il y a des gens qui ne parlent pas, hein. Ouais, qui baissent les bras, qui partent. Oui, voilà. Alors il y a, ce sera ma dernière question, cette interrogation qui revient chez les proches, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais vaut-il mieux savoir que de ne pas savoir, au cas où, voilà. Est-ce qu'on peut parler d'un deuil ? Est-ce que les gens qui viennent vous voir porte un deuil. Oui, alors je vais être claire, hein, vaut mieux savoir. Justement, ouais. toutes les familles me disent, surtout après de longues années, hein, comme bon, certaines familles que je suis depuis plus de 10 ans pour certains, dans leur port intérieur, bon, ils n'ont plus d'espoir parce que bon, ils se disent bon, ils seraient revenus, ouais. mais quelque part, c'est dur, comme le dit le papa de Léa, c'est très dur aussi de qu'on lui annonce demain la mauvaise nouvelle, mais en général, c'est ce que disent toutes les familles. Ils préfèrent savoir parce que c'est très dur de vivre au jour le jour, de se réveiller le matin et puis une heure après, ça commence. C'est ce qu'on appelle pouvoir faire son deuil. C'est une expression souvent employée, mais bon, elle veut dire aussi. Vaut mieux faire un deuil physique et avoir le corps de la personne, pouvoir se recueillir et puis c'est fini. Il y a plus tous ces questionnements qui sont à la tête. Bien sûr. Que de faire un deuil fictif entre guillemets et puis. Et puis voilà, rester avec son questionnement. Merci infiniment, Pascal Batani. Ce sera le dernier mot. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la disparition de Léa Petitgat. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Roux.